Chapitre 12. L'homme de la lande. Jamais peut-être Nédélec Gualen n'avait eu tant de souffrances morales, tant de préoccupations que depuis le jour où la doyenne de Camaret lui avait ramené sa fille, un moment crue morte. C'est que, en effet, lui qui, d'habitude, vivait si paisiblement avec Geneviève, essayant de lui rendre l'existence aussi heureuse que possible, ne reconnaissait plus l'enfant qu'il avait élevé, l'enfant avec laquelle il avait passé tant de dures années, avant d'atteindre la période plus calme, presque satisfaisante, à laquelle il était arrivé à force de peines et de soins. Elle, d'ordinaire si gaie, si insouciante, et qui semblait un oiseau lâché en liberté dans l'immensité de la lande, aux confins de la terre, sans souci des tempêtes hurlant si souvent le long de la côte, était devenue rêveuse, mélancolique, silencieuse. Le père, habitué à lire dans ses yeux purs ses moindres désirs, ses plus secrètes pensées, n'y trouvait plus que de troubles nuées, comme si la brume du jour maudit où elle avait failli périr eût à jamais brouillé l'eau limpide de ses prunelles. Maintenant, au lieu de vagabonder, des chansons aux lèvres, d'aller et de venir, légère d'âme et de cœur, en fille de la lande, en insoucieuse mouette des grèves, elle était toute transformée, comme accablée sous un poids mystérieux qu'elle portait en elle, qu'elle traînait partout, et son être entier se trouvait alourdi. Elle qui, en dehors de son père, n'avait d'adoration que pour ses bêtes, les vaches et les moutons dont Gualen avait la garde, elle qui n'avait de plaisir qu'à courir les grottes semées le long de la côte, depuis Morgat jusqu'au cap de la Chèvre, jusqu'au château de Dinan, elle qui se plaisait tant aux longues promenades en mer, dont la dernière avait failli lui être fatale, négligeait maintenant tout pour se traîner languissamment sur la lande, le long des falaises. Là, elle restait perdue dans des contemplations dont personne ne savait l'objet, ne devinait la raison, passant ses journées à rêvasser tristement, sans que nulle chanson tombât de ses lèvres, autrefois bourdonnante comme un essaim d'abeilles. À quoi pouvait-elle ainsi songer tout le jour? D'où venaient les insomnies de ces nuits? Les premiers temps, Nédélec, pensant qu'elle se trouvait encore sous le coup du terrible danger qu'elle venait de courir, n'y avait pas attaché grande importance, se contentant de raisonner à part lui. Cela la rendra peut-être plus prudente à l'avenir. Il n'y a pas de mal, des fois. Mais quand il vit que cet état anormal se prolongeait, que sa fille n'était plus sa fille, qu'elle ne semblait plus savoir ni ce qu'elle faisait ni ce qu'elle disait, tellement ses pensées la dévoraient, il chercha à la questionner, à connaître les raisons de cette soudaine transformation. Tout fut inutile. Elle ne voulut rien dire ou n'avait rien à dire. Et malgré une certaine connaissance des êtres, acquise à force de les fréquenter et de les observer, le Reboutou ne put rien tirer d'elle. Lui qu'on appelait le sorcier, lui qui passait pour tout connaître, tout savoir, tout deviner, au point de terrifier les crédules et d'inquiéter l'Église, et qui en était arrivé à se croire presque divin, il eut cette fois conscience de son impuissance. Toute sa courte et bornée science de pauvre rebouteur de campagne vint échouer devant le mystère de cette âme de jeune fille, cette âme qu'il croyait si bien comprendre et qui venait de son âme à lui, l'âme de son enfant. Mais ce qui l'épouvanta, ce fut de remarquer le changement physique qui, peu à peu, s'opérait en elle. La figure toujours dorée sur sa blancheur de blonde, par le soleil et le grand hâle salubre des bords de l'océan, pâlissait. La peau prenait une terne et uniforme teinte cendreuse, le brillant des yeux flambait de fièvre. Il y avait dans toute son allure, dans ses gestes, dans l'écrasement de certaines de ses poses, l'inquiétante lassitude d'un corps ou d'un esprit malade, un air de bête traquée, prise à quelque mauvais piège, d'où elle ne peut plus se dégager. Sa fille allait-elle tomber complètement malade? Était-ce là cette punition du ciel dont ne cessaient de le menacer les prêtres? Sa science si humble, ce pouvoir de guérison qu'il avait, en certains cas où les médecins eux-mêmes avaient échoué, était-il vraiment une chose défendue par le ciel et qui indisposa Dieu contre lui? Un instant, son esprit simple de paysan en eut la souffrance, la terreur. Mais la conscience du bien qu'il faisait, des misères soulagées, des douleurs apaisées, de ses intentions honnêtes, de sa constante vie de dévouement et de labeur, le releva, le soutint contre cette lâche et passagère défaillance. C'était ailleurs qu'il fallait chercher. Il savait trop lui-même l'innocence de ses actes, en apparence si condamnable aux yeux des gens peu éclairés, des esprits bornés ou prévenus, des intelligences trompées, pour s'arrêter longtemps à une pareille pensée. Ayant remarqué qu'il ne pouvait rien tirer de Geneviève, et que toutes ses interrogations, si adroites qu'elles fussent, échouaient devant l'obstination de son mutisme, il procéda à une lente et minutieuse investigation de ses moindres actes, de ses manières d'être, et n'eut pas de peine à découvrir qu'il fallait surtout chercher ce qui avait pu se passer lors de cette perdition dans la brume. Tout son mal venait de là. Adroitement, à l'aide des moyens qu'il possédait, grâce à ses nombreuses relations dans le pays, il commença à recueillir quelques-uns des détails qu'il ignorait, à apprendre que ce n'était pas simplement, comme le lui avait dit sans autre explication sa fille, des pêcheurs de Camaret qu'il avait recueillis de nuit, mais un grand bâtiment arrivant d'Amérique et s'appelant la Croix du Sud. Sans doute les gens qui montaient le navire étaient pour la plupart de Camaret, mais il y avait cependant, entre le récit fait par Geneviève et ce qui s'était passé réellement, une différence qui, si légère qu'elle fût, devait éveiller les inquiétudes de son père. Pourquoi cet oubli, probablement volontaire? Pourquoi ce silence? Immédiatement, songeant qu'elle allait avoir bientôt 22 ans, qu'elle était grande et belle, bien digne d'amour, il se murmura pensif. Certainement, elle a remarqué quelqu'un. Elle aime. Brusquement, cette pensée le rendit tout soucieux, car elle se doubla de cette troublante angoisse. Qui peut-elle aimer? Là-bas, à Camaret, dans ce coin de pays dont il n'était pas, dont aucun des siens n'avait jamais été, et où l'on ne pouvait avoir qu'en mésestime la fille de l'homme du Cap de la Chèvre, tout amour devait être pour elle un danger, le plus grand des malheurs qui pût lui arriver. Pour s'en assurer et l'éprouver en même temps, il lui parla, à différentes reprises, de Camaret, des gens du port, essayant d'amener la conversation plus particulièrement sur les jeunes pêcheurs, les jeunes marins. Chaque fois que le nom du petit port revenait sur ses lèvres, chaque fois que ses questions tournaient autour des Camarétois, soit qu'il vantât tante Rosalie, soit que le nom d'un de ceux qu'il avait pu soigner lui échappa comme au hasard, devant elle, il remarquait qu'elle tressaillait ou qu'une lueur subite allumait ses prunelles si éteintes. Assurément, il ne s'était pas trompé, le mal était là. C'était là-bas qu'il fallait chercher, s'informer, pour découvrir le secret de sa fille, pour la guérir peut-être si cela se pouvait, s'il en était temps encore. Pourtant, comme elle continuait de vivre auprès de lui, plus étroitement que jamais, ne le quittant même plus pour ses habituelles excursions jusqu'au château de Dinan ou jusqu'au village de Kerlock, il se rassura et remit de jour en jour la tournée d'investigation qu'il avait projetée du côté de Camaret. Rien ne pressait encore, et si tout s'arrangeait sans qu'il s'en mêlât, cela vaudrait mieux. Ce jour-là, ayant remarqué l'orage qui montait dans l'ouest et ayant quelques infusions d'herbe à préparer, il était rentré plus tôt que d'habitude, croyant trouver Geneviève au logis. Depuis son aventure, afin de ne pas l'inquiéter, jamais elle n'attendait la complète tombée du jour pour revenir. Lorsque le tonnerre gronda et que les premières gouttes de pluie s'abattirent, claquant sur le chaume desséché du toit et fouettant les vitres, il alla observer la lande et la mer. Puis il songea rassuré, possible qu'elle ait cherché un gîte au plus près, par crainte de la bourrasque, au sémaphore sans doute. Toute inquiétude était loin de lui lorsque, au plus fort de la tempête, la porte s'ouvrit et Denis le Marec entra, soutenant Geneviève presque défaillante, lui apportant ainsi la solution du problème cherché au moment où il s'y attendait le moins. Ce fut une explosion, un cri de colère et de douleur. L'ennemi ! Et cela s'appliquait aussi bien dans sa pensée en cet instant au neveu du curé de Camaret qu'à l'abbé Kerbiriou lui-même. Il n'achevait pas, les syllabes haineuses roulant encore sur ses lèvres, que Geneviève, relevant courageusement la tête, interrompit Nédélec, expliquant « Le sauveur de votre fille, le commandant de cette croix du sud qui m'a recueillie perdue en mer. » Et avant qu'il eût eu le temps de répondre, elle achevait « Sans lui, mon père, à cette heure, vous seriez seul au monde. » « Oh, oh, que dis-tu, Faïk ?» D'un geste lent, le reboutou avait porté les mains à son front, à ses yeux, comme si le voile épais qui les couvrait eût achevé de s'écarter. Il bégaya d'un accent tout changé, ne sachant plus trop ce qu'il disait. « Le sauveur de Faïk, de ma Faïk !» Il montrait un siège près du foyer. « Vous êtes ici chez vous, mon fille !» Les idées qui se bousculèrent dans le cerveau du vieillard furent, durant quelques instants, si confuses, si incohérentes, qu'elles semblaient, par le vacarme mené en son entendement, les prodromes de quelque subit assaut de folie. Frappant sa tête de ses poings fermés, il balbutia, appliquant à ce qui se passait en lui, le nom fameux d'une turbulente et grondante grotte du Cap de la Chèvre, Queo Charivari, la caverne du Charivari. Oui, c'était bien, en effet, la caractéristique appellation que l'on pouvait donner en ce moment à son crâne, dans lequel soufflaient tous les vents, où mugissait une tempête plus épouvantable, plus terrible que celle qui grondait à la même heure au dehors. Il n'avait pu que prononcer, s'inclinant sans chercher à réfléchir, sans pouvoir assembler mieux ses mots, sous l'écrasement d'une instinctive reconnaissance, cette phrase de tendresse jaillit du plus intime de son être. « Vous êtes ici chez vous, mon fils. » « Mon fils. » Voilà ce qui lui était venu à la pensée, avant toute autre chose. « Mon fils. » Celui qui avait sauvé sa fille. Aucune direction soufflée d'en haut, aucune idée ne lui venait pour décider ce qu'il devait dire de plus, ce qu'il devait faire en un péril si extrême. Le neveu du curé de Camaret, c'était donc celui-là qu'elle aimait. La pauvre enfant, celui-là qu'il avait arraché à la mort et auquel, en retour, elle avait donné son cœur. Devant cette révélation foudroyante, il était resté anéanti, sans force, comme assommé sous l'implacabilité de sa destinée. Sûrement c'était le malheur pour sa fille, pour l'enfant qu'il adorait. Mais que faire? Comment la détourner de cet amour? Il avait envie de lui crier devant ce jeune homme. « Malheureuse, c'est un amour sans espoir. Denis le Marec ne sera jamais ton mari. Son oncle est un de mes plus durs, de mes plus implacables ennemis. » Il se taisait, n'osant lancer cette terrible phrase, et le tourment de ses réflexions l'abattait sans parole sur l'escabeau d'où il s'était levé, tandis que Denis et Geneviève, assis l'un près de l'autre devant le feu, s'occupaient à sécher les vêtements trempés par l'orage. Ils semblaient avoir oublié que, derrière eux, muets et sombres, le reboutou les regardait, et leurs yeux, où dansait la flamme du foyer, se croisaient en un enivrement si doux qu'ils eussent voulu voir durer ces trop courts instants. À les contempler si oublieux de tout, si oublieux de lui, Nédélec Gualen se reprenait à espérer, à échafauder les combinaisons. Tous les prêtres ne le détestaient pas à l'égal du curé de Crozon, de celui de Camaret. En diverses circonstances, il avait rencontré l'abbé Jacques Louarn, et le vicaire lui avait montré quelques sympathies. Gualaine, ayant même osé lui donner certains conseils pour sa santé, en avait été bien accueilli. Celui-là s'était laissé voir plein de compassion, d'indulgence pour le sorcier. Ah, si le recteur voulait être comme l'abbé Louarn, on pourrait faire le bonheur de ses deux enfants, car certainement Denis le Marec aimait la jeune fille comme il en était aimé. Il n'avait pas eu besoin de les examiner ainsi réunis tous deux quelques instants devant ses yeux pour s'assurer de la réciprocité de cet amour. Et, dans la douleur de cette découverte, ce faible espoir surnageait. Il l'aime aussi, lui, le cher enfant. Il en arrivait à se sentir une tendresse infinie pour celui qui, osant braver tous les préjugés, ne craignait pas d'aimer d'amour une réprouvée, la fille de l'homme de la lande, du Rebutou, et cela au point de venir chez lui, dans la sinistre maisonnette de la lande, par une soirée d'orage, en pleine ténèbre, quand tant d'autres hésitaient à y entrer en plein jour par le grand soleil de midi. D'autres espoirs d'aide naissaient en son cerveau, vivifiés par le raisonnement, lorsqu'il songeait qu'il avait une amie à la cure, la servante de Pierre Kerbiriou, autrefois soignée, guérie par lui. Il murmura pensif. « Manaïque serait pour nous ? Ah, si elle voulait les aider ! Si cela se pouvait !» Tandis que ce flot houleux et confus de réflexions battait d'un incessant et bruyant ressac les parois endolories du crâne de Gualaine, Denis et Geneviève, délicieusement engourdis devant la réchauffante flamme du foyer, restaient immobiles, attendant, anxieux, que le vieillard leur adressât le premier la parole. À deux ou trois reprises, mordus d'anxiété, dans l'impatience d'en finir, le Marec s'était retourné vers lui comme pour provoquer ses questions. Mais à le voir si sombre, les prunelles perdues dans un tel vague qu'il semblait parti pour des pays de rêve, bien loin d'eux, il avait maîtrisé sa vivacité, dominé son cœur, pris tout à coup de terreur à la pensée des paroles désolantes qui pouvaient sortir brusquement de cette face de nuit comme d'une nuée d'orage pour le foudroyer. Cette situation aurait pu indéfiniment durer. Déjà les membres secs, l'esprit allégé, les jeunes gens, là d'une trop longue contrainte, commençaient à échanger à voix basse quelques courtes phrases dont l'intonation voilée frémissait d'une profonde et contenue tendresse. Ils se comprenaient comme s'ils s'étaient toujours connus. Entre le Rebutou et sa fille, à côté des points de ressemblance, il y avait cette différence remarquable que celui-là était ancré dans les vieilles idées, les vieilles coutumes, les vieux attachements au sol, aux pierres mystérieuses, à l'armorique antique, quand celle-ci allait volontiers aux idées de progrès, à des idées plus larges, plus sensibles, plus humaines, à des visions plus neuves qu'elle retrouvait en ce moment, sous l'influence des chaudes paroles du jeune homme. De même, le neveu du curé n'avait rien de l'entêtement de son oncle, voyait la vie d'une manière plus indulgente, et surtout, ne partageait pas la sévère étroitesse de l'abbé vis-à-vis de la personnalité du Rebutou. Ils étaient là, les deux jeunes, aux pensées plus douces, au cerveau rendu plus tendre par l'amour, en lutte contre ces deux représentants du rude et intransigeant passé, le prêtre, le Rebutou. Mais ils s'aimaient, se le répétaient, s'enfermant de plus en plus étroitement dans leur passion, comme en un nid où ils se trouvaient à l'abri de tout. Et Geneviève se laissait prendre par ce beau garçon, courageux, hardi, vrai marin, qui avait gardé en lui l'âme poétique de la lande. Ce fut la phrase directe de Nédélec Gualaine qui les arracha à ce commencement d'extase, la phrase qui montrait qu'il savait tout, qu'il avait tout compris, sans qu'on lui eût encore rien dit, lorsque, interpellant le jeune homme, il s'exclama, vibrant de surprise et de tristesse. Ainsi, c'est donc vrai que vous aimez Faïd Gualaine, vous, Denis le Marec, vous, le propre neveu de l'abbé Pierre Kerbiriou. Vivement, le marek se redressa et, saisissant entre ses mains les doigts tremblants de Geneviève, restée assise et comme anéantie à sa place sous la crainte de cette explication, il avoua nettement « Oui, moi, Denis le marek, j'aime Geneviève Goualaine et je suis venu ici pour vous la demander en mariage. » Lentement, semblant réfléchir à des choses profondément enfouies en lui, Goualaine reprit. « Savez-vous seulement ce que votre oncle pense de moi ? Je ne sais rien, et n'ai besoin de rien connaître de ce qui peut exister entre vous et lui. » Le vieillard eut un fugitif sourire, puis secoua son front chargé de pensées lourdes. « Croyez-vous donc que le recteur autorisera une pareille alliance ?» Denis croisa les bras sur sa poitrine, comme pour accentuer encore ses paroles, et, de son mâle accent, avec une conviction intrépide, « Je lui dirai que j'aime Geneviève Goualaine, que jamais je n'épouserai d'autre fille. Il m'aime comme son enfant, il ne m'a jamais rien refusé. Il ne saurait me refuser ce bonheur. » Le Reboutou soupira. « Vous avez trop longtemps, trop constamment vécu loin d'ici. Vous ignorez bien des choses. Je demanderai à mon oncle sa bénédiction pour Geneviève et pour moi. » L'autre remua la tête avec amertume. « Il vous la refusera. » Les contradictions semblaient exalter davantage le jeune homme qui riposta le front haut et assuré. « Il me la donnera, croyez-moi. » Que votre fille vienne seulement à la cérémonie de la croix de mission qui va avoir lieu. Ayez confiance, vous dis-je. Je le connais mieux que personne, mieux peut-être qu'il ne se connaît lui-même. Son cœur est plein de bonté, et je le sais prêt à m'accorder tout ce que je lui demanderai. Il n'est pas de sacrifice que je ne fasse pour cela. » Il songeait, souriant, que Pierre Kerbiriou ne saurait résister à une promesse de ne plus quitter Camaret, de rester au besoin près de lui et de renoncer à ses voyages au long cours. Nédélec resta quelques secondes silencieux, paraissant se demander s'il devait accepter cette proposition qu'il jugeait infiniment dangereuse pour sa fille, étant donné ses relations avec le clergé du pays. Puis il objecta, avec une certaine timidité, et, si cela ne réussissait pas, comme vous paraissez l'espérer, devant cette persistance à lui opposer des obstacles, les seuls auxquels il ne s'était pas attendu, Denis le Marek eut un instant d'indécision. Mais sa confiance en la bonté de son oncle l'emportant, il affirma « Geneviève sera ma femme, j'en fais ici le serment. » Il étendit la main comme s'il prenait à témoin non seulement ceux qui assistaient à cette explication, mais tout ce qui l'entourait, cette maison, lieu de mystère et de crainte pour les superstitieux, cette lande déserte, noyée d'opaques ténèbres, la nature entière. Allons, mon fils, bon courage pour votre entreprise, bien que je n'y aie guère confiance. Faïque est une sainte fille, quoi qu'on dise et qu'on fasse, elle ira à cette croix de mission comme toutes celles de son âge et de sa religion. » Termina solennellement le Reboutou, relevant peu à peu sa tête, comme s'il eût énergiquement soulevé le poids de quelque secret fardeau sous lequel il se courbait malgré lui. « Merci, tonton Nédélec !» Le jeune homme mit sa main dans la main sèche et rude du berger, qui, la retenant quelques moments, affirma « Vous êtes un brave et digne jeune homme. Le ciel vous doit récompense. » Denis prit congé de Geneviève en lui disant « « Faïque, je vous donne rendez-vous à Camaret, à la croix de mission. »« J'y serai, » fit-elle, les prunelles rayonnantes de confiance devant la belle sérénité de le Marek. Déjà Goualaine, s'étant assurée que la pluie avait cessé, annonçait à Denis « Je vous accompagne un bout de chemin. Vous pourriez vous égarer dans la lande par cette nuit. » Ils ne se séparèrent que passé le moulin, près de la chapelle de Saint-Ernaud, à hauteur de la maison communale, isolée sur la droite de la route, et là une dernière étreinte lia leurs mains, comme pour quelque serment mystérieux. Ce fut le cœur ivre de joie que Denis le Marek regagna Camaret, après avoir seulement pris la précaution de souper à Morgat. Il n'arriva que fort tard dans la soirée, mais à la cure, il avait sa pleine liberté et on ne s'inquiétait jamais de ses absences. La seule préoccupation de Marie-Anne, qui veillait encore à près de minuit, fut pour savoir s'il avait pu se mettre à l'abri de l'orage. « Un fier nid que j'ai trouvé là, va, ma bonne Manaïque. Ah ah, un nid où on ne va guère de par chez nous. » Elle le regardait, surprise, ne comprenant pas, un peu inquiète tout de même de ses prunelles trop brillantes. Il cligna malignement de l'œil et en voix de mystère à l'oreille. « J'ai gîté dans la maison du Reboutou. » Machinalement, la vieille servante avait ébauché un signe de croix dans l'inattendu de ce nom. Mais elle finit par sourire, confiante, terminant. « Un brave homme que c'est, mon fils, tu peux m'en croire. »« Oui, oui, et aussi, avant peu, on verra du nouveau, » fit-il, ne pouvant dissimuler sa joie. Elle tressaillit, reprise d'anxiété, songea quelques instants en regardant s'éloigner le jeune homme et balbutia. « Jésus-Marie, il y a monsieur le recteur à qui mon pauvre Denis ne paraît pas penser. » Pourvu que... C'est qu'elle est fièrement jolie, cette petite faïque que Denis a tirée du péril de la mer. Bien sûr, c'est pas pour tonton Nédélec qu'il a été choisir cet abri. Et que faisait-il par là? Est-ce que... Ah bien, que va-t-il arriver? Elle regagna sa chambre, sans conclure, toute marmottante.